Selon la radio CBS de Corée du Sud, plus de 2570 enseignants des écoles primaires de toute la Corée du Sud ont publié le 25 une déclaration au nom des enseignants des écoles primaires de tout le pays pour apprendre correctement notre histoire. Les enseignants y ont indiqué que le manuel d'histoire pour la sixième année de l'école primaire, que le gouvernement a contrôlé et approuvé, est exempt du crime d'esclavage sexuel commis par le Japon et des photos qui le concernent, et fait éloge d'un bout à l'autre du pouvoir dictatorial du passé, surtout la justification du coup d'État du 16 mai. Ils ont affirmé qu'il est dangereux d'apprendre l'histoire erronée aux enfants des écoles primaires.